sur nos chers, l'Africain. Mon père Taïtaka, la Ponton. Godric et Nuni. Kinshasa, Congo, Brazza, Angola, Africa. Monde entier, Boyo Kabana système. Facile. Pitié, elle est délinga. Ziasiwa Dadi, arbitre, assistant international, la Jongoya. Voilà ta mamé dans un ton mama pour l'amour. Choka Kabengele. Voilà son gela pour l'amour et Zalini Soussou. Louta Antoinette. La maman d'auto d'engue ni mié. Et Zalina Tina ou mama. Au bébé si, l'okumu ya famina yoé. Kampash Pitié Eleke Linga Arsène Kamango Pitié Oh mon amour Aïcha Okoko Pitié Eleke Linga Niyake Mayimbi Bacho Mayimbi Yannick Noah Makimwena RMC Bandu Zao Areli Venas Bandu Sylvie Mukoko Machamba, à Strasbourg, Boba Mbongo, Nadine Kalenda, Gabi Yanga, Mubalia Mama Nana, Ambrazi Yoba, Colonel Tshisekedi. Tovandaka, Toliaka, Tosakana Kanandako, Zoka Makanisi Yanga na yo ezalaki na bokeseni, Mbwa Mesana Koibazanga, Kelembo na Nzoto Teo. Lelo nandimi, makambo bakulutu baloba na mokili Moto na pesaka motema traire nga na pomoi Hanga yo, hanga yo, hanga yo Pitié, oh mon amour Pitié, eleke linga Pitié, oh mon amour Pitié, eleke linga Territoire du Sangui, Alpha Bonjala Maria, Nelly Ilunga, Mama Mapasa Jefula Mapele Sousia la Izoto, Nazara Nenge Nini Bona Vinanga, ah mama Ebo Lingo, Bobo Mawa ye ye ye ye Colonel Mopepe Leva Boni Mwakame Singa Mwumbwe Solai Mosindo, Nazara Nenge Nini Papika Mwasi, Bona Vinanga Bidenda, son Maman Bougoumès, le bébé climatiseur Baron Maman et Mama Maman Maman et Maman et Mama Bajo Maïmbi Passie Passina Motema Nakokufa Likolo na yo Miyake Maïmbi Otika nga lokola zungu na moto Ezanga Mokengeli Tango Eziki Bato mayoki solo ya bileye Derike, Lisungi Bolingo, Ejali, Eloko Yako lenge la kamama Vila mbadanje Amama Simo kibukini na luanda ye Amama Gile sima unanga Pascal Chioka, Adolphe Shimba, Nangola, Fwamba Kadima Wachika, Zumbel Wabuza, José Bembo Seigneur, Maître Rigen, Papa Moïse, Yves Zogo Junior, Ibrahim Dambele, Sipe Sopo, Papa Mapasa, Bovike Sopo. Asoma basa fanya soka kapoya telisa, Lopo Sanzoto na ye, Dunaka ye. Kasi motema na ye, ton Adolphe Simba, Maître Marcel voilà. Souci à la isoto, Benico Basso, la dischante. Zinga Fondo, Pastel.